Kevin Boy on the track. Yemba, yemba, yeah. Yemba, yemba. Yemba, yemba, yeah. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Je veux m'en sortir comme Togo Lloyd. Fais péter le son dans ton iPod. Fuck vos délires, fuck tous vos codes. Pour faire du sale, y'a pas de méthode. Soit t'es bon, ou t'es juste mauvais. Original, qui peut faire mieux? Original, on a fait des envieux. Originaire du Congo Kinshasa, comme Kebano et Papa Wemba. Originaire du Congo Kinshasa, comme Atempi, Arthur Ngoma. Yemba, yemba, yeah. Yemba, yemba. Yemba, yemba, yeah. Yemba, yemba. Yemba, yemba, yeah. Yemba, yemba. Yemba, yemba, yeah. Yemba, yemba, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Échec scolaire, le daron n'est pas fier. Trop perturbé pour ta fait les matières. J'fais trop d'erreurs pour être exemplaire. Au fond de la classe, j'faisais que des putreries. J'rigolais fort, j'amusais la galerie. Même certains profs riaient à mes conneries. Fidèle au poste, comme Madame Béthune. Donne-moi le bail, que j'arrache le bitume. J'aime bien poser avec du vogo et d'autodune. Moi ça passe crème, toi on dirait un chipmunk. J'aime bien poser avec du vogo et d'autodune. Moi ça passe crème, toi on dirait un chipmunk. Yemba, yemba, yeah. Yemba, yemba. Your tracks today.